Der spanische Forscher. En novembre 2021, le professeur Pablo Campra, chercheur espagnol de l'Université de Madrid, a mis en évidence la présence d'oxyde de graphène dans les vaccins Covid. L'oxyde de graphène est un matériau hautement conducteur d'électricité. Dans le corps, il se déplace vers les organes les plus actifs sur le plan électromagnétique. Il s'agit notamment du système nerveux, du cerveau et surtout du cœur. L'activité électromagnétique augmente lorsque le cœur est davantage sollicité, par exemple pendant le sport. Cela pourrait expliquer pourquoi les sportifs vaccinés contre le Covid sont beaucoup plus souvent touchés par des arythmies cardiaques. En outre, les particules de graphène agissent telles de petites antennes pour les ondes électromagnétiques comme celles de la téléphonie mobile. Dans le corps, les particules de graphène sont polarisées par ces ondes, c'est-à-dire qu'une tension électrique est générée. Elles transmettent ensuite ces impulsions électriques aux tissus corporels environnants, comme par exemple le muscle cardiaque, le cerveau et les nerfs, ce qui peut entraîner des troubles dramatiques, voire la mort. Cette mort télécommandée est-elle une erreur tragique, voire un calcul sournois ?